L'affaire est restée dans l'histoire sous le nom de l'affaire du bazooka. Une histoire étrange et qui reste encore très mystérieuse. Une affaire que Christophe Nick, auteur d'un monumental ouvrage sur la naissance de la Ve République, considère comme étant le plus grand scandale politico-judiciaire du demi-siècle, pas moins. Je résume. En janvier 1957, deux munitions anti-chars sont tirées à l'aide d'un bazooka fabriqué artisanalement contre les bureaux de l'état-major du général Salan, commandant en chef en Algérie. Un des collaborateurs de Salan, le commandant Rodier, est tué. Un autre officier est blessé. Assez rapidement, la police acquiert la conviction que le coup vient de la droite nationaliste, les ultras, comme on les appelle alors. Mais pourquoi ces hommes, qu'on va bientôt arrêter, se sont-ils attaqués aux plus hauts personnages de l'armée française en Algérie, alors même qu'ils soutiennent l'action des militaires engagés contre la rébellion? Pourquoi vont-ils bénéficier d'étranges mansuétudes de la part des magistrats? Et pourquoi s'est-on contenté de juger des exécutants ou des comparses, alors qu'à l'évidence, on ne s'est jamais vraiment intéressé aux commanditaires de cet attentat? Des commanditaires qui n'ont donc jamais été formellement identifiés, même si beaucoup de noms célèbres ont été prononcés. Monsieur X se propose de répondre à la plupart de ces questions. Je rappelle qu'il m'a déjà parlé à de nombreuses reprises des événements d'Algérie, des événements qu'il connaît fort bien parce que les services secrets français y ont été souvent impliqués. Et puis il y a enfin la personnalité de celui qui était vraisemblablement visé par les tueurs, Salan. Un général qui a toujours cultivé le mystère et le secret. Ce n'est pas tout à fait par hasard qu'on l'appelait le mandarin. Ancien commandant en chef en Indochine, puis à nouveau commandant en chef en Algérie, celui qui sera plus tard le numéro 1 de l'OAS est une énigme. On le dit républicain, on le pense même proche de la gauche, et pourtant, il basculera au début des années 60 dans le camp de la droite extrême. Alors, qui était en réalité celui qu'on a voulu tuer à coups de bazooka? Il se trouve que je viens de feuilleter un livre très récent signé par Bernard Lefort, qui a été un grand journaliste politique. J'ai relevé cet extrait dans cet ouvrage publié chez Albin Michel et intitulé « Souvenirs et secrets des années gaulliennes ». Lefort vient d'apprendre l'arrestation de Raoul Salan et il note « Je n'oublie pas les confidences d'un général à la retraite qui a servi sous Salan en Indochine. C'est un homme qui aime le mystère. Il a dirigé les services du deuxième bureau sous Georges Mandel avant la guerre. C'est un homme de réseau. » Pour vous donner une idée du climat qui régnait à l'époque à Alger, je voudrais d'abord vous raconter une affaire aussi rocambolesque qu'inquiétante. L'affaire Faure, ça vous dit quelque chose? Non, j'avoue que non. Jacques Faure était un général, adjoint opérationnel de la division d'Alger. C'était un ancien sportif qui avait incontestablement de la prestance et qui jouissait d'un prestige certain parmi les jeunes officiers. Mmh, et politiquement? À droite toute. Ah bon? Mais Faure n'était pas le seul. Il était persuadé que seule l'armée pouvait mettre fin au désordre et donc à la guerre d'Algérie. Mmh, c'était un précurseur en fait. On peut voir les choses comme ça. Hein. En tout cas, ce n'est pas très difficile de le faire partir au quart de tour. Et c'est ce qui s'est passé. De bonnes âmes l'ont persuadé qu'il lui fallait agir. Quand vous dites des bonnes âmes... Oui, ça grenouillait dur à Alger. Enfin, toute une nébuleuse de comploteurs qui ne pensaient qu'à une chose, se débarrasser du pouvoir en place et instaurer un régime fort. Donc un régime d'extrême droite. Naturellement. Nous allons en reparler. Parmi eux, il y avait des anciens de la cagoule, des monarchistes, des illuminés, mais aussi des types le plus malins qui, eux, voyaient loin et qu'on retrouvera dans les comités de salut public en mai 58. Et ce sont ces types qui ont monté le bourrichon au général Faure. Mais que voulait-il exactement, ce brave général? Je vous l'ai dit, la prise du pouvoir par l'armée. Et pour mettre son plan à exécution, il envisage ni plus ni moins que d'arrêter le ministre résident Robert Lacoste et de mettre au niouf, comme on dit chez les militaires, tous les responsables civils. C'est-à-dire les préfets. Oui. Mais avec quels moyens tout ça? Il s'est assuré du soutien de quelques jeunes officiers des unités territoriales qui étaient commandées par le colonel Tomaso, le fameux nez de cuir. Ah oui, dont nous avons parlé récemment à propos du pseudo-soulèvement de la Corse en mai 58. C'est ça, oui. J'ajoute que le général Faure a aussi pris contact avec quelques hommes politiques en métropole. De quel bord, cela? Ce n'est pas trop difficile à deviner. Les gaullistes, dont son ami le sénateur Michel Debré, et puis des poujadistes. Revenu à Alger, Faure prend alors une décision incroyable. Quoi? Il va rendre visite au secrétaire général de la police, Paul Tedjène, et lui raconte tout. C'est de la folie. de la folie ou de la naïveté, car Paul Tedjen est un fonctionnaire loyal et foncièrement républicain. Oui, d'ailleurs, c'est un homme qui aura une attitude extrêmement courageuse lorsque l'armée, en 57, se verra attribuer tous les pouvoirs de police. Oui, Tedjen ne manquera pas une occasion de dénoncer les dérives, les arrestations arbitraires, les tortures, les disparitions. Et c'est donc à cet homme-là que le général Faure vient raconter sa petite histoire. Et Tedjen, bien sûr, réagit comme son devoir lui commande. Mais c'est-à-dire ? Bah, il s'empresse d'aller rendre compte au représentant du gouvernement, le ministre résident Robert Lacoste. Et celui que, justement, Faure voulait faire emprisonner. C'est assez cocasse, non ? Extrêmement, oui. Mais comment réagit Lacoste ? D'une façon assez maligne. Il dit à Tedjen, arrangez-vous pour recevoir à nouveau le général, dissimuler un magnétophone et enregistrer la conversation. C'est ce que va faire Tedjen. Tout à fait. Et comme vous l'imaginez, le résultat est éloquent. Faure dévoile à nouveau ses plans et il ajoute qu'il est prévu de porter Salan au pouvoir. Salan fait donc partie du complot ? Non, il n'est au courant de rien. Mais les conspirateurs n'ont aucun doute. À partir du moment où ils seront les maîtres, Salan se rangera à leur côté. Mais pure spéculation. Oui, car Salan, à l'époque, est encore un officier républicain. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que d'autres comploteurs s'en prendront à lui. Mais nous allons y revenir. En attendant, laissez-moi finir. Tedjen fait passer la bande magnétique à Lacoste, qui la transmet lui-même à Paris. Mais la réaction du gouvernement va être absolument lamentable. Lamentable, expliquez. Le président du Conseil. Guy Mollet. Oui, ouais. Guy Mollet. Et son ministre de la Défense, Bourgès Monoury, ont donc la preuve évidente, accablante, qu'un des principaux chefs de l'armée complote contre la République. Il devrait donc sévir, montrer au pays que l'armée doit obéissance au pouvoir politique. Eh bien, pas du tout. Faure est rappelé à Paris et mis aux arrêts de rigueur pendant 30 jours. Mais c'est dérisoire. Et vous parlez d'une punition. C'est l'aveu d'une faiblesse, coupable, et qui porte en germe tous les événements ultérieurs. Et c'est pourquoi je voulais commencer en vous racontant cette histoire, parce qu'elle prouve qu'à Alger, en cette année-là, tout était possible. Et que par conséquent, les ultras ont été encouragés par cette faiblesse. Mais incontestablement. Mmh. Bon, alors peut-on d'abord exposer les faits, hein, volontiers. Si, si vous voulez, je vais emprunter ce récit aux déclarations d'un témoin essentiel, le colonel Basset, qui a été blessé lors de l'attentat. Mmh, alors je vous écoute. On est donc le 16 janvier 1957, et c'est le début de la soirée. Ouais. Place Bugeaud, premier étage. Le général Salan a réuni ses collaborateurs dans son bureau. D'après Basset, c'est l'heure où il y a le plus de monde à l'état-major. Ouais. Donc tous des militaires. Tous des militaires, oui. Mmh. Et de nombreux visiteurs attendent dans la pièce voisine. Mais soudain, le téléphone sonne. Le général Salan est convoqué par le ministre résident Robert Lacoste. Mmh. Il ajourne donc sa conférence et se rend au palais du gouvernement général. Mmh. Et les autres officiels, ils quittent le bureau eux aussi ? Oui. Ouais. Donc le bureau de Salan est désert. Tout à fait, mais les lumières restent allumées. Il y a des rideaux ? Des volets à claire-voie qui laissent donc filtrer la lumière. Mmh. Le colonel Basset, qui est le chef de cabinet de Salan, rejoint la pièce voisine et il s'assoit dos à la fenêtre, face à son adjoint, le commandant Rodier. Il est tard. Quelle heure ? 19h. Soudain, il y a une énorme déflagration. Le colonel Basset est blessé à la tête et jeté à terre par le souffle de l'explosion. Mais son adjoint, Rodier, lui, est mort. Il a eu la poitrine traversée par le projectile qui a fracassé le mur du fond. Ce n'est pas fini. Un deuxième projectile explose. Et cette fois-ci, c'est le bureau de Salan qui est visé. Et si le général s'était trouvé à son bureau, il aurait à coup sûr été tué. Mmh. Comment pouvez-vous en être aussi certain ? Mais parce que le projectile a ricoché sur le bord de la fenêtre et explosé au milieu de la pièce. Donc à votre avis, les auteurs de l'attentat voulaient tuer ? J'en suis persuadé, même si plus tard, ils ont prétendu qu'ils voulaient tirer au-dessus des fenêtres pour faire peur, en somme. J'ajoute que lorsqu'on utilise des roquettes anti-chars, c'est qu'on veut vraiment faire des dégâts, surtout quand on tire à faible distance. Justement, où se trouvaient les tireurs ? Leur dispositif était placé sur le toit d'un immeuble qui faisait face au bureau de Salan. Un double tube bricolé et fixé sur une planche. Un dispositif relativement rudimentaire. Oui, absolument. Mais les gars avaient mis en place un dispositif électrique qui leur a permis de tirer à distance. Alors, ça veut dire qu'ils ne se trouvaient pas sur le toit ? Non, ils étaient dans l'immeuble. Et c'est d'ailleurs ce dispositif, enfin je veux dire les fils électriques, qui vont permettre de les identifier. Mais en attendant cette identification, on va dire n'importe quoi, comme d'habitude. Un mot sur le général Salan avant de reprendre le cours de mon entretien avec M. X. Quand l'attentat au bazooka a lieu en janvier 1957, Salan n'est le patron de l'armée en Algérie que depuis peu de temps. Et cette nomination a fait des vagues dans les milieux nationalistes et chez les partisans les plus farouches du maintien de l'Algérie dans la République française. Pourquoi ? Parce que Salan est l'ancien commandant en chef en Indochine. Voici par exemple ce qu'écrit Jean Lacouture dans sa série d'ouvrages consacrée à De Gaulle, série parue aux éditions du Seuil. Chacun sait qu'il a été l'un des grands chefs les plus favorables à la solution de la part du feu et au règlement hâtif imposé à Genève par le désastre de Dien Bien Phu. Tel de ses rapports publiés non sans son aval discret par l'Express, a contribué à faire basculer l'opinion dans le sens de la paix immédiate obtenue au moindre frais par Pierre Mendès-France, d'où la réputation de bradeur d'empire qui lui est faite à Alger au moment où il succède au général Lorio. C'est peu de dire que Raoul Salan est alors la bête noire de tous ceux qui prônent l'Algérie française. Des intrigues se montent alors pour substituer à ce personnage dont on fait abusivement un symbole de défaite, un chef plus fringant et plus déterminé. Est-ce pour cette raison qu'on a essayé de le supprimer ? Vous venez de me dire qu'on a raconté n'importe quoi après l'attentat. Exactement, la police a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un coup des communistes. Et d'ailleurs, c'était aussi l'opinion de Salan. On aurait eu... puis penser aussi au FLN. Hein. C'est vrai, mais il était sans doute plus difficile aux rebelles d'agir dans un secteur aussi protégé et qui fourmille unitaire. Par contre, des Européens... Alors, voyons une enquête. Hein. Vous avez parlé de fils électriques. Oui, ils étaient d'une nature particulière. Le nombre de brins, si je me souviens bien. Bon, enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils mettent la police sur la piste des auteurs de l'attentat. Alors, qui sont-ils, ceux-là ? Ce sont des membres d'une organisation contre-terroriste, l'ORAF, l'Organisation des Résistants de l'Afrique du Nord. Une organisation qui a d'ailleurs été dissoute par Robert Lacoste, mais qui n'en continue pas moins à commettre des attentats en toute impunité. Pourquoi en toute impunité ? Parce que quelques-uns de ses membres sont tout simplement des policiers. Avouez que ça facilite les choses. Et cette rafle a commis beaucoup d'attentats à l'époque ? Oui, je ne vous en citerai qu'un. En août 1956, le plasticage d'un immeuble dans la Casbah, 15 morts. 15 morts. Ouais. Mais vous avez dit organisation contre-terroriste. Les cibles sont donc des militants du FLN. Essentiellement, les militants du FLN. Et aussi ceux qui les aident ou les soutiennent, comme les progressistes, les libéraux ou les communistes. Les cibles sont désignées par les policiers qui appartiennent à l'organisation. Des expéditions punitives sont ensuite mises sur pied. Mais des expéditions punitives, vous voulez dire des assassinats? Bien entendu, et le cas échéant, pour obtenir plus d'informations, on torture. Et tout cela avec la bénédiction de hauts fonctionnaires de la police. Ces gens-là bénéficient donc d'une sorte de... comment dirais-je, de reconnaissance. Oui, ce sont de véritables escadrons de la mort, comme ceux qui existeront plus tard au Brésil, et qui seront eux aussi initiés par des policiers. D'autre part, l'ORAF travaille, si je puis dire, avec un autre groupe, dirigé par un personnage dont vous avez certainement entendu parler, la boiteuse. Ah oui, c'est l'homme du petit canard. Ça. Exactement, oui, oui. L'un des membres du commando qui a essayé de tuer le général de Gaulle. Vatin, c'est son nom. Opère déjà avec la complicité d'officiers paras, et sa petite organisation dispose de cartes de police. Une sorte d'embryon de l'OAS. Oui, j'ajoute qu'elle s'est installée dans une villa, la Villa des Sources, où on découvrira peu après l'attentat contre Salan une salle de torture et de nombreux indices prouvant que la boiteuse et ses hommes jouissaient de nombreuses complicités dans les services officiels. Mais revenons à l'attentat contre Salan et à l'ORAF. Vous avez raison, une dizaine d'hommes sont arrêtés, identifiés. Deux sont particulièrement intéressants. Il y a un certain Castille. Celui-là, nous le connaissons bien. Que voulez-vous dire ? C'est un ancien officier du 11e choc. Et le 11e choc, c'est le bataillon qui fournit des hommes au service action du SDAC. Oui, et puis vous le savez, parce que je vous l'ai souvent dit, quand on a appartenu au service, on n'en sort vraiment pas. Ce qui signifie que ce Castille avait toujours des liens avec le SDAC ? Bon, ça me paraît évident, c'est l'époque qui veut ça. Le SDAC est alors infiltré par des officiers qui sont des sous-marins gaullistes farouchement partisans de l'Algérie française. Ils déchanteront plus tard, comme vous le savez. Lorsque de Gaulle choisira de donner l'indépendance à l'Algérie. Bien sûr, enfin ça c'est une autre histoire. Ouais. Donc il y a ce Castille. Et l'autre ? Il s'appelle Kovacs. Et celui-là, c'est un drôle de pistolet. Ah, racontez. Kovacs, c'est un médecin en vue à Alger. Non pas à cause de sa pratique médicale, mais à cause de sa personnalité. Kovacs, ancien champion de natation, est très populaire. Ce colosse vit d'une façon fastueuse, traite généreusement ses amis et verse volontiers dans l'ésotérisme. L'ésotérisme ? Oui, on dirait aujourd'hui que c'est un adepte des médecines douces. Un peu illuminé, un peu charlatan. D'ailleurs, sa femme se prétend médium. Mais il est quand même réellement médecin ? Ah, tout à fait, il est diplômé, mais à l'époque, il n'exerce pas vraiment. Alors comment gagne-t-il sa vie ? Eh bien ça, on ne le sait pas vraiment. Et pourtant, il vit très bien, croyez-moi. Lui aussi, il a fricoté avec les services. Et beaucoup s'interrogent sur son origine. Son origine Kovacs, c'est un nom de tchèque, et ne l'oublions pas, nous sommes en pleine guerre froide. Ouais. Vous dire que Kovacs aurait pu être un agent de l'Est ? Franchement, je ne le crois pas, mais c'est vrai qu'on s'est quand même posé la question. Une brève parenthèse. Le journaliste Jean-Raymond Tournoux a publié en 1960 un livre intitulé « Secret d'État ». Il note à propos du chef du commando, Kovacs, je le cite, « La personnalité de Kovacs, ancien champion de natation d'origine hongroise, est indéfinissable. Sur les fiches du SR et de la Sûreté, on lit, au choix, agent des soviets, a suivi des cours à Budapest, agent des services américains, agent du SS Skorzeny, le libérateur de Mussolini, réfugié aux Baléares, qui fournit les détonateurs pour faire sauter les ratons. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Kovacs exerçait une véritable fascination sur les membres de l'ORAF. Il en était le chef. Enfin, le chef sur le terrain. Mais pourquoi, il y avait d'autres chefs? Kovacs n'était pas un électron libre. Vous avez déjà entendu parler du comité des six? Non. Eh bien, ce comité était composé de jeunes et fringants parlementaires qui voulaient en découdre avec le pouvoir et particulièrement avec la 4e République. Les gaullistes, hein? Pour la plupart d'entre eux, oui. Mmh. Vous pouvez me donner des noms? Si vous avez les moyens d'assumer les frais d'un procès en diffamation, je peux effectivement vous livrer quelques noms. Non? Bien sûr. Je peux quand même vous dire qu'il y avait parmi eux un futur Premier ministre et un autre homme qui sera amené à exercer les plus hautes fonctions. Ça vous va comme ça? Il faut bien que je m'en contente. Hein. Bon, donc ces parlementaires se trouvent bien sûr à Paris, mais ils ont d'étroits contacts avec Alger car ils savent que le salut viendra de là-bas. Le salut. La prise de pouvoir et le renversement du régime. Par conséquent, ils se tiennent à l'affût et encouragent tous ceux qui sont susceptibles de créer des troubles. Ouais, donc Kovacs et son organisation. Bien sûr. Le comité des six est en étroite relation avec l'ORAF. Et comme il est en relation avec beaucoup d'autres activistes, et il n'en manque pas à Alger. Et vous avez dit que ces mystérieux personnages là sont à l'affût. Mais ils veulent exploiter toutes les occasions possibles. Par exemple? En décembre 1956, trois semaines avant l'attentat contre Salan, Amédée Frogère est tué en pleine rue. Et qui est ce Frogère là? C'est le président de l'association des maires d'Algérie, un notable très populaire. Qui l'a tué? Mystère. Des témoins affirment avoir vu un musulman. Bon, on ne saura vraiment jamais. Et pour ma part, je n'exclus pas que le coup ait été perpétré par les ultras, pour provoquer une réaction de la population européenne. En tout cas, à Paris, les gens du comité des six comprennent aussitôt qu'il faut exploiter l'événement. Et ils alertent Kovacs et ses hommes. Pourquoi faire? Semer la panique. Et c'est vraiment ce qui se passe? Oui, le jour des obsèques, des bombes éclatent un peu partout sur le trajet du convoi funèbre. Et le caveau mortuaire est même plastiqué un peu avant l'enterrement. Le résultat, c'est qu'on assiste à de véritables scènes de lynchage dans Alger. Des musulmans sont pourchassés, tués. Et parce qu'on accuse le FLN d'avoir perpétré ces attentats. Oui. Mais cette opération d'intoxication se traduit quand même par un échec. Et pourquoi? Parce que l'homme qu'on attendait n'est pas venu. Qui est cet homme qu'on attendait alors qu'Alger vivait de véritables scènes d'émeute? Monsieur X répond dans un instant. Auparavant, je voudrais revenir sur la formation de ces escadrons de la mort dont m'a parlé mon interlocuteur. Un journaliste, Christophe Nick, a récemment publié chez Fayard un important ouvrage sur ces événements et sur la préparation du 13 mai 58, ouvrage intitulé « Résurrection ». Il évoque à plusieurs reprises la personnalité du commissaire Achiari, un homme qui a joué un rôle décisif dans la répression sanglante de Sétif en 1945 et qui a été en charge des services spéciaux lorsque Soustelle était gouverneur général de l'Algérie. Lorsque ce dernier doit quitter Alger en 1956, Achiari convoque les principaux leaders pieds-noirs et leur demande de créer des commandos chargés d'abattre des personnalités musulmanes. À l'un d'eux, Martel, il tient ce langage. Nous avons déjà réalisé certaines de ces expéditions punitives. C'est nous qui avons fait abattre récemment ce chef FLN dans une 203 sur la route d'El Biar. Mais vous savez, après le départ de Soustelle, je suis moi-même obligé de m'en aller en métropole. Remarquez que je n'abandonnerai pas du tout l'action et que je me propose d'organiser d'autres groupes là-bas, que je pourrais ensuite peut-être expédier ici. Mais en attendant, il faut quelqu'un pour me remplacer. Je vais d'ailleurs vous présenter mon remplaçant. Si vous acceptez ma proposition, c'est à lui que vous aurez affaire. Vous serez d'accord avec moi, Monsieur Martel, que pour abattre la rébellion, il faut abattre les rebelles. Toujours, selon Christophe Nick, Achiari, faites alors entrer Kovacs. C'est celui qu'il a choisi pour le remplacer. Alors, qui est cet homme qui n'est pas venu à Alger? Me permettez-vous de ne pas vous répondre tout de suite? Bon, j'ai l'habitude maintenant. Hein. Bon, mais je ne vais pas me dérober, je vous promets. Bon. Et en tout cas, Alger, un homme, quelqu'un qui gêne les activistes. Et cet homme, c'est Salan. Parce qu'il a la réputation d'être républicain, m'avez-vous dit? Oui, et qu'on le soupçonne de vouloir respecter à tout prix la légalité. Ce qui est postériori paraît assez cocasse. Hein. C'est vrai, mais enfin, c'est ainsi. Et puis, dès que le général est nommé Alger, les bruits les plus désobligeants commencent à courir sur lui. Donc ce sont des bruits. Hein. Vous avez raison, mais bientôt, on va aller plus loin. Il est clair qu'il existe à Alger un obstacle, Salan. Un obstacle pour ceux qui veulent prendre le pouvoir. Exactement. Mmh. Et un obstacle, ça s'élimine. Voilà. Et les comploteurs envisagent plusieurs solutions. Et les comploteurs, ce sont les fameux membres hein, du comité des six. Et sur place aussi, les types de l'ORAF, l'organisation de Kovacs. Alors on envisage de tirer sur la voiture de Salon, ou encore de placer une bombe dans son avion. Mais toutes ces solutions sont rejetées, trop aléatoires, trop difficiles à exécuter. Et c'est ainsi qu'est imaginée l'opération Bazooka. Sous l'autorité de Kovacs. Oui. Ouais. Et c'est une opération manquée puisque Salon n'est pas tué. Ah oui, mais il ne faut jamais l'oublier, il y a eu mort d'homme. Mmh. Donc les membres du commando sont arrêtés. Est-ce qu'ils disent ce qu'ils savent? C'est-à-dire leur relation avec Paris? Ben, bien sûr, oui. Oui, Kovacs castille, divulgue une partie de la vérité. Les enquêteurs sont effarés. Pourquoi ils sont... Parce qu'en entendant les tueurs, ils découvrent l'étendue du complot. Et surtout, ce qui les inquiète encore plus, ce sont les noms prononcés par Kovacs. Ouais, le nom des membres du comité des six, le futur premier ministre, etc. Oui, oui, mais il y a aussi quelques autres, dont celui du capitaine Griotret. Griotret, c'est le futur député? Oui, Griotret est alors arrêté en même temps que deux de ses amis. Tous les trois étaient en relation avec Kovacs, mais finiront par bénéficier d'un non-lieu. Enfin, peu importe, ce ne sont que des sous-fifres. Ce qui est important, c'est l'autre liste, celle des six, et également le nom de l'homme qui n'est pas venu alors que les types de Kovacs mettaient Alger à feu et à sang. Alors, vous allez peut-être me dire maintenant. Un petit peu de patience, monsieur Queneau. Le résultat, après ces aveux, c'est que certains des six commencent à paniquer. L'un d'eux, le futur Premier ministre, demande même une audience au garde des Sceaux. Qui est alors François Mitterrand. Ah. Et que vient lui demander ce futur Premier ministre? Bah, il lui jure qu'il est innocent, il le supplie de ne pas faire ouvrir une information contre lui. Mmh. Réaction du garde des Sceaux, François Mitterrand? Bah, il enregistre avec une certaine jubilation, connaissait le personnage. Mmh. L'autre s'est découvert, Mitterrand ne l'oubliera jamais. Mmh. Mais après les révélations de Kovacs, la justice ne s'intéresse pas à ce comité des six? Non, aussi étonnant que cela paraisse. Vous avez quand même une explication. Bien sûr. Il faut tout faire pour étouffer le scandale. Et très vite, le juge d'instruction algérois est dessaisi et le dossier est confié à la justice militaire. Une justice qu'il est plus aisé de contrôler. Oui, mais pourquoi étouffer l'affaire? Les gens qui sont alors au pouvoir sont des républicains, non? Elles sont même des gens de gauche, jusqu'en juin 1957. Et les comploteurs sont, eux, de dangereux factieux. Exact. Alors j'avoue que je ne comprends pas. En vous racontant l'histoire du général Faure, souvenez-vous, au début de cet entretien, je vous ai parlé de faiblesse coupable. Eh bien, ça continue. Les hommes au pouvoir ont l'impression de vivre sur un volcan, ils ont peur. S'ils exercent leur autorité, de provoquer des troubles, alors ils préfèrent se coucher. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils travaillent à leur propre perte. Une brève interruption. Dans son livre de mémoire, le général Salon cite le témoignage de Madame Rodier, la veuve du commandant qui a été tué au cours de l'attentat au Bazooka. En janvier 58, elle est reçue par M. Guibert, directeur de la justice militaire. Elle raconte. Il me fait un résumé de l'affaire, me donne les noms des personnes impliquées dans le complot et ajoute « Si Griotret, Knecht et Sauvage ont bénéficié de non-lieux, c'est parce qu'ils ne sont que des sous-ordres et ne peuvent être incriminés sans mettre en cause des personnalités beaucoup plus en vue. Cela pourrait déclencher des mouvements d'opinion, menacer la stabilité gouvernementale et être à la base d'un 6 février. » Conclusion ? Guibert demande à Madame Rodier de renoncer à ce que l'aspect politique de l'affaire soit évoqué au cours du procès. Quand vous dites que ces gouvernants travaillent à leur propre perte, vous voulez parler de mai 58? Bien évidemment, car tous ceux qui ne se rallieront pas au nouveau pouvoir seront balayés et condamnés à rester de longues années dans l'opposition. Mais l'affaire du Bazooka se termine quand même par un procès. Hein? Bien sûr. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu homicide, je vous l'ai rappelé. Mais quand le procès s'ouvre en juillet 58 devant le tribunal militaire, les choses ont changé. Le général de Gaulle est président du Conseil et Michel Debray est le nouveau garde des Sceaux. Mais Michel Debray qui pourrait bien être ce futur Premier ministre qui avait été membre du comité des six? Sans commentaire. Bon, d'accord. Alors le procès? Il commence de façon tout à fait étonnante. D'abord, les avocats de la défense obtiennent qu'il se déroule à huis clos et le tribunal accepte. C'est extravagant parce que le huis clos est réservé habituellement aux affaires de mœurs ou encore aux affaires où sont impliqués des mineurs. Ouais. Deuxièmement, le principal accusé, Kovacs, arrive sur une civière. Il est malade. Pareil. Ah oui, vous dire qu'il simule alors? Évidemment, en fait, il souffre d'un psoriasis, une maladie de peau, qui ne l'empêche naturellement pas de comparaître. Troisièmement, les avocats de la défense, dont le célèbre Tixé Vinancourt, négocient avec les magistrats militaires. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent négocier? Un report. Il faut... Quels arguments, quoi? Des arguments très forts et très convaincants. Expliquez alors. Écoutez, j'étais pas dans le secret du prétoire, mais je suppose que les avocats ont dû dire au juge militaire, si vous ne reportez pas, nous déballons tout. Et en particulier les noms du fameux comité des six. Naturellement, ça a marché. Non seulement le procès a été reporté, mais les inculpés ont été relâchés avant l'éventuelle ouverture d'un nouveau procès. Des inculpés pour homicide, ne l'oublions pas. Mmh. C'est sans précédent. Donc il n'y aura pas de procès? Si, si. Il est fixé au mois d'août. Mais Kovacs demande un nouveau report. Il a une crise d'appendicite et il doit être opéré d'urgence. Et finalement, lorsque le vrai procès s'ouvre en octobre, Kovacs, le chef du commando, a disparu en Espagne. Il échappe définitivement à la justice. Et les autres? Castille, avec un panache certain, s'est présenté, lui, pour ne pas laisser tomber les autres. Les autres, c'est-à-dire les comparses? Oui. Ouais. Kovacs est condamné par contumace à la peine de mort. Castille a 10 ans de travaux forcés et les autres écopent de peines moins lourdes. Mais tous détenus à Alger seront libérés au moment du putsch des généraux en avril 61 et ils finiront par être amnistiés. Quant aux autres membres du fameux comité des six, ils passeront bien sûr à travers les gouttes. Et pourtant, c'étaient eux les vrais responsables de la mort du commandant Rodier. Bon, je crois avoir compris, mais vous ne m'avez toujours pas dit qui était l'homme qu'on attendait à Alger. L'homme qui était peut-être l'âme du complot. C'était un général, Cogny, 4 étoiles, un type à poigne, un véritable chef, affublé du surnom de Borgia. L'homme qu'on voulait voir remplacer Salan à la tête des forces armées en Algérie. Avec lui, pensaient les gens du comité des six, l'Algérie sera sauvée, mais pour cela, il fallait d'abord se débarrasser de Salan. Mmh. Attendez, ce général Cogny faisait partie du complot ou pas? Mais écoutez, encore aujourd'hui, je ne le sais pas. Il ne pouvait pas ignorer les efforts de ses amis pour le porter à ce haut poste et balayer la République. Mais a-t-il lui-même mis la main à la pâte? A-t-il encouragé les comploteurs? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Cogny a toujours nié, même parfois contre l'évidence. Et il est aujourd'hui trop tard pour savoir la vérité. Mais qu'est-il devenu? Cogny est mort dans le crash de la caravelle Ajaccio-Nice en 1968. Et il a emporté ses secrets avec lui. Dans cette affaire, le nom de Michel Debré revient avec insistance. Et de nombreux auteurs n'ont pas hésité à écrire qu'il était l'un des membres de ce mystérieux comité des six. Mais il n'a jamais été inquiété et il n'a jamais poursuivi ceux qui lui attribuaient une responsabilité dans l'affaire du bazooka. J'ajoute que certains ont prétendu, comme M. X, qu'un homme savait la vérité, François Mitterrand. Et il saura s'en souvenir lorsqu'il sera lui-même mis en cause lors de la ténébreuse affaire de l'Observatoire, Michel Debré occupant alors la fonction de Premier ministre. La conclusion, une fois n'est pas coutume, je la laisse à Michel Poniatowski, qui a déclaré ceci à Christophe Nick, l'auteur du livre Résurrection. L'assassinat fait partie des données politiques, il faut le savoir. Dans l'affaire du bazooka, Michel Debré est plus responsable que quiconque. C'est un activiste de conviction, mais c'est aussi un homme compliqué et complexe. Il a prêté serment à Pétain avant de rallier De Gaulle. Il est violemment Algérie française. Il hésitera en 1960-1961 et basculera finalement pour De Gaulle parce que les autres veulent renverser l'État. Et ça, pour lui, c'est encore pire que de brader l'Algérie française. Michel Debré assassine beaucoup de gens dans sa conversation. Ce genre de propos, répété, voire amplifié auprès d'activistes, peut inciter à passer à l'action. D'ailleurs, dans ce genre d'opération, vous ne trouverez jamais un ordre clair. Pour les opérations homo, on a toujours un langage distingué. On ne dit jamais « feu vert », on dit « cet homme rend la situation difficile ». Je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com et vous pouvez aussi m'écrire. À samedi prochain.